crevette. T'as qu'à test. Au revoir. Bienvenue dans les bacs. T'inquiète. Un jour obligé, je passerai sur Sky, chanter avec mon pote Oricil. T'inquiète, on fait régner l'ordre, on fout pas le désordre. C'est pas nous qui va crier, je t'aime comme Lara Fabian, mais toi qui a crié à l'aide. T'inquiète, c'est 2-3-20, au froid. Un jour on ira loin là-bas, mais impossible de rester loin de Rouvroy. Sinon ça n'ira pas, je suis trop bien ici, dans mon patelin, là où je suis né, là où je mourrai. Paul Langevin, c'est sniper sur le toit, sérieux abusé. Ambiance de ouf, quand même, on est arrivé. Quelques petites bandes dont c'est la Dexter, boulevard des Italiens ou rue Omer Bernard. Viens test si tu veux, mais plains-toi pas si tu repars à Walp, petite victime. Évite la tectonique, tu crains au max. Nous c'est que des jeunes plus forts que ceux de la banlieue. Les vieux gars qui font de la tectonique, on les encule à sec. Soit tu rappes, soit tu pues. 6, 2, 3, 20. Place toi, tu sais. Nous on passe pas notre temps sur YouTube ou Dailymotion, mais à braquer des banques où se met les poulets. Tu vois, tu joues dans la cour des grands depuis que t'es venu parmi nous. Alors North ou Sud, Est ou Ouest, au froid y'a de la place pour toi et moi. T'inquiète pas, tout le monde passera. Un jour obligé, je passerai sur Sky. Loin là-bas, impossible de rester loin de Rouvroy. Couloir des Italiens ou rue Omer Bernard. Cadeau Mike. Paul Langevin et ses snipers sur le toit, sérieux abusé. Ambiance de ouf quand on est arrivé. Rissil, cadeau. Pas le désordre, c'est pas nous qui va crier je t'aime comme Lara Fabian, mais toi qui vas crier à l'aide.